بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Commence donc aujourd'hui le cours 145 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان du Cheikh Ibn Taymiyyah رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on continue donc l'explication à partir de l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois. Et on a vu qu'au dernier cours, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionnait le verset dans Surat al-Fajr. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. Donc, en ce qui concerne le serviteur, lorsque Allah Azza wa Jal l'a éprouvé et a limité sa subsistance, alors il dit, mon Seigneur m'a humilié. Et Allah Azza wa Jal, il répond par la suite en disant, Kalla. Et c'est ça que le Cheikh maintenant, Ibn Taymiyyah, il va expliquer dans ce passage là. Il dit قال الله تبارك وتعالى كلا ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه زجر عن مثل هذا القول وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به بعده وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بها ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه وهو كريم عنده نعم فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى. نعم دونك ici le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal il répond donc à celui qui prétend ou qui pense que Allah Azza wa Jal l'a humilié parce que il a été restreint dans sa subsistance, et ainsi que celui qui pense que il a été honoré parce que Allah Azza wa Jal lui a donné beaucoup de subsistance. Eh bien Allah Azza wa Jal il dit kalla, hein. Et le cheikh explique que « kalla » ici, ça veut dire c'est une réprimande et une note, en même temps une attention qu'il veut porter sur le sujet qui est mentionné, et une réprimande de ce genre de propos, dans le sens que il veut nous faire attention à propos de ce qu'il nous a expliqué ici, qu'est-ce qu'il nous a informé et ce dont il nous a ordonné après, hein. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement le fait qu'une personne reçoit, ou bien plutôt, c'est pas parce qu'une personne reçoit des biens de la vie d'ici-bas qu'il est nécessairement honoré, hein, par Allah Azza wa Jal, et que Allah Azza wa Jal l'a honoré par ces biens-là. Hein. Il ne faut pas faire ce calcul simpliste. Parce que c'est pas de cette façon-là que Allah Azza wa Jal donne la subsistance, ou bien c'est pas de cette manière qu'il honore ou qu'il humilie quelqu'un ou ses créatures. Donc le cheikh explique que c'est pas tous ceux qui reçoivent un bienfait dans ce bas monde ne sont pas nécessairement honorés par cela de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas non plus parce que quelqu'un a été limité ou restreint dans ce qu'il reçoit comme subsistance dans ce bas monde, qui est nécessairement humilié par cela, hein, ou rabaissé par cela. Il dit parce qu'en réalité, Allah Azza wa Jal, il éprouve ses serviteurs par le bien et par le mal. Et il peut donner de ses biens dans ce bas monde à celui qu'il n'aime pas et qui n'est pas honorable pour lui, hein? Tandis que yani, il fait ça pour quelle raison? Pour l'élever, hein? Pour lui faire croire qu'il est élevé, alors qu'en réalité il est en train de s'enfoncer dans son égarement à cause de ça. Donc c'est une forme de ruse que Allah Azza wa Jal emploie envers cette personne à cause de son comportement malhonnête et injuste envers Allah Azza wa Jal et envers ses créatures. Donc Allah Azza wa Jal yastadrijuhu, c'est-à-dire il le fait graduellement s'élever dans l'égarement en lui donnant des biens et en lui faisant croire qu'il est honorable à cause de ça. Et ensuite le cheikh il explique que c'est possible également qu'une personne soit restreinte dans ses biens et que Allah Azza wa Jal fasse ça pour en réalité le protéger, hein, parce qu'il l'aime, hein, et il ne veut pas faire en sorte que sa récompense soit diminuée par les biens qu'il reçoit dans ce bas monde, ou qu'il soit diminué dans son degré auprès d'Allah. Donc il lui restreint ses biens dans ce bas monde pour lui donner sa pleine récompense dans l'au-delà, ou bien pour le préserver de tomber dans quelque chose qui, s'il avait plus de subsistance ou plus de biens, il risquerait de tomber dans ce que Allah Azza wa Jal n'aime pas, hein? Et donc il le préserve d'avoir trop de biens et de richesses dans ce bas monde pour justement le préserver du mal. Et donc ça c'est une chose importante, parce que beaucoup de gens, et en particulier des gens qui ont peu de connaissances et de compréhension de la religion, ils voient les choses d'un point de vue seulement matériel, et ils pensent que s'ils sont riches, ça veut dire que Allah Azza wa Jal les a honorés, et s'ils sont pauvres, eh bien, s'imagine que ça veut dire que Allah Azza wa Jal les a dénigrés. Or, c'est pas du tout le cas, et ce n'est pas nécessairement le cas, puisque il peut honorer quelqu'un malgré que cette personne-là, par exemple, elle est pieuse et elle est bien. Il l'a honorée, mais il l'a restreint dans ses biens, hein. Et l'autre personne qui est humiliée en réalité, eh bien, Allah Azza wa Jal lui donne plus de richesses et plus de biens dans ce bas monde pour l'augmenter en punition et en châtiment, hein, et pour qu'il s'enfonce encore plus dans son péché, dans son orgueil, son arrogance. Non. Donc ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ces points qu'on vient de mentionner. Premièrement, par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « Kalla » dans le verset. Le Cheikh, il explique que ici, « Kalla », Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit « Harfu rad'in wa zajar. Zajarun an hadha li'atiqad wa tanbihun ala anna ghayrahu huwa sahih. » Donc ici, il explique que lorsque Allah Azza wa Jal, il dit ici « Kalla », c'est une expression qui est employée pour réprimander ou pour blâmer quelque chose. Et ici, c'est en particulier pour blâmer et réprimander cette croyance qui est fausse, hein, de penser que parce que Allah nous donne de l'argent, ça veut dire qu'on est honoré pour lui, ou que s'il nous restreint dans notre subsistance et qu'on est pauvre, ça veut dire que ils croient que ça veut dire que Allah les a humiliés. Donc Allah Azza wa Jal, il blâme cette croyance-là et il fait porter attention aux gens que ce qui est vrai, c'est autre que cette croyance-là. Hein, c'est pas nécessairement cette croyance-là. Et Ensuite, le point suivant que le cheikh il explique, c'est que Allah Azzawajal, parfois, il dit, bon, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il peut honorer celui qu'il aime en limitant sa subsistance, et il peut dénigrer ou humilier celui qu'il n'aime pas en lui donnant plus de biens, hein, de subsistance ou d'argent dans ce bas monde. Et que ça, c'est l'argent ou le statut ou la position ou la richesse matérielle, ce n'est pas un élément sur lequel on doit se baser pour savoir si Allah Azzawajal est satisfait de nous ou non. D'accord? Et Cheikh Al-Fawzan il dit: Na'am, mithlama yahmi at-tabib al-marid an ba'd al-ma'akil wal-masharib li'annaha tadurruhu aw taqtuluhu. فالله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا لأنها تضره فهو يحميه منها. Donc il donne une analogie ici, le cheikh, c'est comme il donne l'exemple d'une personne qui est, par exemple, son médecin lui empêche de manger certaines nourritures ou de boire certaines boissons parce qu'elles peuvent lui faire du tort ou parce qu'elles peuvent le tuer, hein. Donc, en principe, quelqu'un pourrait dire, le médecin, pourquoi le médecin empêche à la personne de manger ce qu'il veut, hein? Donc, si quelqu'un, par exemple, regardait les choses de façon simpliste et superficielle, quelqu'un pourrait dire, ah, mais ça, c'est un mal, parce que le médecin lui empêche de manger ce qu'il veut, donc il le prive de pouvoir jouir de tous les plaisirs de certaines nourritures qu'il aime manger et qui sont délicieuses. Donc la personne pourrait penser que c'est un mal. Mais en réalité, si cette personne-là continue à manger ces nourritures-là, eh bien ça pourrait lui faire beaucoup de tort, hein, ou même ça pourrait le tuer. Comme par exemple certaines personnes qui ont des allergies, par exemple, à certains aliments. Hein. Donc, ces aliments-là sont délicieux, sont très bons, hein, au goût. Mais si cette personne-là mange ces aliments-là, peut-être que ça peut le tuer à cause des réactions allergènes. Donc, ici, le cheikh, il fait cette analogie entre l'exemple du médecin qui prive son patient de manger certains aliments, avec l'exemple d'Allah Azza wa Jal qui protège son serviteur croyant des biens de la dunya pour éviter que ça lui fasse du tort, parce que parfois les biens de la dunya peuvent égarer quelqu'un, hein? Donc Allah Azza wa Jal veut protéger ce serviteur croyant de cet égarement là et donc il le prive de certains biens de ce bas monde pour le garder sur la guidance. Donc ça, c'est un exemple. Et l'autre point que le cheikh a mentionné, il dit وَأَيْضًا كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَبَبُهَا الْإِيمَانُ وَالتَّقْوَى. Donc ça, c'est un point que j'avais oublié de traduire à la fin. C'est la dernière phrase. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il clarifie que il ne faut pas oublier non plus que les prodiges miraculeux que Allah Azza wa Jal a octroyé aux serviteurs pieux et rapprochés, il faut absolument que ces prodiges miraculeux se produisent uniquement à cause de la foi et de la piété. D'accord? Donc si par exemple quelqu'un est dans le péché et il fait des choses qui sont déplaisantes à Allah ou que Allah déteste, puis que par la suite il prétend que il a de l'argent et qu'il a des biens et que ça c'est un prodige miraculeux ou que c'est une karama ou que Allah Azza wa Jal veut l'honorer par ça, eh bien ça c'est faux, c'est un mensonge, puisque Allah Azza wa Jal il ne donne pas et il n'octroie pas des karamat aux gens qui sont dans sa désobéissance et qui ne font pas partie des gens qui sont sur la piété. Donc ça veut dire que en réalité, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est des choses qui sont faites par l'aide du diable. Et c'est le shaitan qui les aide dans ces choses-là. Et c'est pour ça que vous allez trouver, par exemple, certains d'entre les soufis qui se vantent d'être des millionnaires ou des milliardaires, hein, alors qu'ils ne bougent pas un doigt. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie pour faire quoi que ce soit et pour avoir quoi que ce soit. Et ils ne font que s'asseoir, manger, hein, et rester assis toute la journée. Ils font rien du tout. Et après, ils disent, regardez, on fait rien et on devient quand même des millionnaires parce que on a des fidèles, hein, on a des fidèles, des mourides qui nous envoient l'argent, hein, qui nous donnent de l'argent. Et les gens leur soumettent tout leur argent et travaillent pour eux. Donc, comme des esclaves en fait. Hein? Allah al-Musta'an. Et ils leur donnent l'argent et ils les servent comme si, yani, eux, ils n'avaient pas besoin de travailler, ils n'ont pas besoin de rien faire. Et ils pensent que ça, c'est une karama. Donc, ils disent, regardez, on est riches, on a les plus belles voitures, on a les plus belles femmes, on a les plus belles maisons, on a des palais, hein, et on est des awliya d'Allah, on est des pieux serviteurs d'Allah, on n'a pas besoin de lever un petit doigt, on a des servants, hein, et yani, ça c'est la preuve que Allah nous aime. Alors le cheikh il explique, il dit non, c'est pas vrai, ces gens-là, hein, ils vivent pas dans l'obéissance d'Allah, ils vivent dans le péché. Donc ça, c'est avec l'aide du shaitan qu'ils ont, hein, ces choses-là. Et le cheikh dit, « وَهَذَا هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَا وَخَوَارِقِ الشَّيَاطِينِ بِاعْتِبَارِ مَنْ تَجْرِي عَلَى يَدِهِ إِنْ كَانَ صَالِحًا مُسْتَقِيمًا تَقِيًّا فَهُوَ كَرَامَةٌ أَمَّا إِنْ كَانَ فَاجِرًا فَاسِقًا كَافِرًا فَإِنَّهَا خَارِقٌ شَيْطَانِيٌ وَلَيْسَتْ كَرَامَةٌ. Donc il dit, c'est ça la distinction entre les prodiges miraculeux qui viennent d'Allah et que Allah octroie à ses serviteurs et les ruses diaboliques, hein, ou les choses surnaturelles, diaboliques. Yani, en réalité, le cheikh il dit, si la personne elle est pieuse et qu'elle se préserve d'Allah, alors on considère que c'est un prodige et que Allah veut honorer cette personne par ce genre de prodiges miraculeux. Tandis que si c'est une personne qui est perverse, qui est pécheur et qui est mécréante, hein, qui fait du shirk, hein, et toutes sortes de bid'a, et qui fait ce genre de choses surnaturelles, on considère que ça, c'est des, hein, des ruses diaboliques et que ce ne sont donc pas des prodiges miraculeux. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit « فَمَا كَانَ سَبَبُهُ الْكُفْرُ » فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالحيات والزنابير والخنافيس والدم وغيره من النجاسات مثل الغنى والرقص لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان والمردان يعني وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان فيرقص ليلا طويلا فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه. Allahu al-musta'an. Naam, donc ici le cheikh il explique un point, il dit que si quelque chose est à la base fait par du kufr, hein, ou s'il y a à la base de certains actes surnaturels qui sont faits par les ennemis d'Allah, hein, si c'est basé sur le kufr ou sur la perversité ou sur ce qui est haram, eh bien, dans ce cas-là, le cheikh, il explique et il dit que ça, c'est des actes surnaturels ou des choses surnaturelles qui sont à l'origine des yani, qui sont faits par les ennemis d'Allah, hein, et non pas des prodiges miraculeux faits par les alliés d'Allah azzawajal, les serviteurs rapprochés d'Allah. Et il dit donc, si yani, les khawariq, les choses surnaturelles que la personne arrive à faire, elles ne sont pas causées par le fait de faire la salat, ou bien de réciter le Coran, ou bien de faire le dhikr, ou bien de prier la nuit, ou bien de faire des du'as, mais qu'elles se produisent uniquement lorsque quelqu'un fait du shirk. Donc là, c'est yani, c'est la preuve que yani, ça vient du shaitan en réalité, hein? Si ça vient seulement lorsque la personne fait du shirk, lorsque par exemple elle invoque des morts, elle prie à des êtres qui sont invisibles ou qui ne sont pas présents, ou elle prie yani, à autre que Allah de façon générale pour obtenir ces prodiges-là, ou ces actes surnaturels, ou bien par des péchés ou de la perversité, ou bien en mangeant des choses haram, hein, des choses haram que la personne se permette elle se permet de manger des choses haram comme des serpents, manger des scarabées, manger du sang, hein, donc des choses comme ça. Ça, c'est des signes que la personne, elle fait appel à l'aide des shayatines, hein. Elle fait appel à l'aide des shayatines si elle mange des impuretés ou des choses de ce genre. Ou bien si ça se passe uniquement lorsqu'elle chante ou lorsqu'elle fait de la musique ou de la danse, hein. En particulier s'il danse avec des femmes ou des jeunes garçons. Yani Allah al-Musta'an. Ça, c'est des signes que la personne, elle travaille avec le shaitan. Elle ne fait pas partie des awliya d'Allah. Et le Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ça, il dit يعني, لكن أين من يتفكر في هذا أو يتأمل في هذا يعني قليل من الناس. Il dit, c'est très peu les gens qui tiennent compte de ça et qui réfléchissent à ces choses-là, hein? Beaucoup de gens, malheureusement, sont superficiels, sont vraiment, hein, simplistes. Ils ne se posent pas de questions ou ils ne réfléchissent pas plus que ça. Hein, comme on dit, les gens, des fois, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Hein. Donc, ils voient les choses, puis ils ne réfléchissent pas. Ils sont un peu, hein, comme du bétail. Ils suivent aveuglément qu'est-ce que yani, leur gourou leur ordonne de faire ou leur montre. Hein. Ensuite, le cheikh, il explique et dit « وَهَذَا مِنَ الْفَارِقْ بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَبَيْنَ الْخَارِقِ الشَّيْطَانِ » أنها تزيد عند القرآن والخارق الشيطاني يذهب عند القرآن ويضمحل وقد يحصل خوارق شيطانية للفجرة عند مجالس اللهو والغنى والطرب ويحصل لهم خوارق قد يطير في الهوى ويحصل منهم بسبب الشياطين لأنها مقارنة للكفر والعصيان فهي من الشياطين غرورا لهؤلاء أما إذا حصلت مع التقوى والاستقامة فهي كرامة من الله عز وجل ليعين بها هذا العبد على طاعة الله عز وجل. Donc il dit le cheikh que ça, c'est une des différences avec entre les prodiges miraculeux qui sont d'Allah et les ruses, les choses surnaturelles diaboliques. Le fait que lorsque c'est un prodige miraculeux, il augmente avec la récitation du Coran, il devient plus fort. Et si c'est une ruse diabolique, eh bien c'est le contraire. Lorsqu'on récite le Coran, eh bien cette ruse, elle disparaît. Et yani, c'est possible que parfois tu vois que ceux qui parmi les shayatines ou les alliés du diable, hein, awliya shaytan, parfois ces pervers là ils vont se réunir pour danser et chanter, hein, et même faire ce qu'ils prétendent parfois être du zikr avec des instruments de musique et de la danse et des chants, Et tu vois qu'ils vont faire des choses qui sont surnaturelles, dans le sens que ils vont parfois sauter dans les airs, ou bien parfois ils vont yani, danser ou sauter, alors que c'est des personnes, parfois ils sont même pas capables de marcher, hein? Donc les gens ils vont dire, eh, mais comment ça c'est une karama, ça c'est un prodige miraculeux, hein? Donc le cheikh il explique, il dit que ça c'est le diable qui essaie de les tromper par ces choses-là. Parce que les vrais prodiges miraculeux, ils se produisent uniquement avec la piété, avec la droiture. Hein? Si ça vient d'Allah, ça doit aider le serviteur à obéir à Allah et non pas à s'éloigner de l'obéissance. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il continue, il dit que yani, si tu vois que quelqu'un, lorsqu'il récite le Coran, ces choses surnaturelles qu'il fait, elles diminuent ou elles baissent ou elles disparaissent, hein, et qu'elles deviennent plus fortes lorsque on fait entendre de la musique, hein, ou des instruments de musique, ça vient du shaitan, hein. Et si tu vois que la personne, elle danse toute la nuit, hein, comme les soufis, par exemple, qui font des réunions entre eux et ils dansent toute la nuit. Et ils sautent et ils dansent. Et lorsque vient le moment de la salat, ils prient assis. Ou bien ils prient comme, yani, rapidement, comme les poules qui picotent. Hein? Les poules qui picotent des graines. Quand ils picotent des graines, là tu les vois, ils frappent leur tête. Hein, leur bec rapidement sur le sol, hein, pour manger. Eh bien, déjà quand ils prient, c'est ça, ils font leur prosternation comme les poules quand elles mangent, hein. Ils se prosternent en 2 secondes et puis ils se relèvent déjà. Ils prient à toute vitesse. Donc ça, c'est l'exemple de leur prière. Tandis que quand c'est pour danser et pour chanter et pour sauter, là tu les vois, ils ont beaucoup d'énergie et ils détestent entendre le Coran. Et ils s'enfuient du Coran. Ils trouvent ça lourd et difficile d'écouter le Coran. Donc ça, c'est des signes que ces gens-là, hein, c'est le shaitan qui les aide. Hein, c'est pas des choses qu'ils font avec l'aide d'Allah Azzawajal. Après, le cheikh, il dit, « وَهَذِهِ حَالَةُ الْفَجَرَةِ » Cheikh Al-Fawzan, il dit, « هَذِهِ حَالَةُ الْفَجَرَةِ أَنَّهُ يَرْقُسُ كُلَّ اللَّيْلِ فإذا جاءت الصلاة يعجز عن الصلاة يصلي جالسا إن صلى إن صلى صلى جالسا يعجز عن الطاعة مع أنه يرقص كل الليل يوم جاءت الصلاة يعني عجز أن يقوم فهذه علامة الخوارق الشيطانية وأيضا لا يطمئن في الصلاة ولا يتلذذ بها وإنما ينقرها نقرا ليتخلص منها لأنها سجن عليه الصلاة سجن على الفجرة والفساق يريدون التخلص منها وهي جنة للأتقياء والأبرار يناجون ربهم ويتلذذون ولذلك يقوم ويطيل القيام ولا يتعب لأنه يتلذذ بهذا ويناجي ربه عز وجل بينما لو يقوم قياما يسيرا في غير هذا تعبه لو تقف قليلا تنظر تنتظر واحدا تنتظر واحد تتعب يعني ولكن لو يوقفك الله لقيام الليل وتقوم قياما طويلا ما تتعب تتلذذ بهذا. Donc le cheikh il explique que ça c'est l'état des pervers. Ils vont danser toute la nuit, puis lorsque vient l'heure de la salat, ils sont pas capables de faire la salat. Et s'ils prient, ils prient assis, hein. Ils sont incapables de faire les adorations alors qu'il a dansé toute la nuit. Et lorsque vient la salat, il est pas capable de rester debout. Et donc ça c'est les signes des ruses diaboliques, hein, et des trucs du shaitan. Et également, la personne, quand elle fait sa salat, ce genre de personne-là, elle ne savoure pas sa prière. elle va la prier rapidement pour s'en débarrasser, comme si c'était une prison pour lui. La prière, la salat, c'est une prison pour les pervers et les pécheurs. Ils veulent s'en débarrasser et s'en débarrasser le plus vite possible. Tandis que pour les pieux, c'est un bouclier. Hein? Pour les gens du bien, la prière, la salat, c'est une protection et c'est un bouclier. Et ils implorent leur Seigneur, hein, avec dévotion, et ils savourent, hein, chaque instant qu'ils passent durant la salat. Et c'est pour cette raison-là que lorsqu'ils se lèvent, ils prolongent leur récitation pendant qu'ils sont debout, et ils se fatiguent dans la prière, et ils se réjouissent de ça. Et ils jouissent de la prière, et ils savourent la prière en implorant leur Seigneur et en adorant leur Seigneur. Et alors que s'ils se tenaient pour autre chose, hein, ils seraient fatigués. Hein, et ils se fatiguent pour dans d'autres activités. Lorsqu'ils doivent se tenir debout, ils sont fatigués rapidement. Mais lorsqu'ils se lèvent pour se tenir devant Allah, pour faire la salat la nuit, hein, ils vont prier longtemps et ils ne ressentent pas la fatigue. Au contraire, ils ressentent un plaisir de rester en prière. Donc ça, c'est la différence entre les awliya d'Allah et les awliya du shaytan. Ensuite, le shaykh, il dit « وَهَذَا مِنَ الْعَلَامَاتِ أَنَّهُ يُبْغِضُ سَمَعَ الْقُرْآنِ وَيُحِبُّ سَمَعَ الشَّيْطَانِ الْأَغَانِي وَالْمَزَامِيرِ ولهذا تجده دائما يفتح المذياع على المزامير والأغاني حتى وهو يمشي في الطريق يغلق القرآن إذا جاء القرآن يغلقه لأنه لا يتلذذ به ولا يحبه فهو يغلقه ويثقل عليه يثقل عليه لأنه ما يجتمع الغنى والقرآن كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان أي لا يجتمع حب القرآن وحب الأغاني ويطرد أحدهما الآخر. Donc ici le cheikh il explique que parmi les signes, hein, des alliés du shaitan, hein, c'est qu'ils détestent entendre le Coran. Ils détestent entendre le Coran, mais ils aiment entendre la voix du shaitan, la musique, les chants. Hein. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, dans un de ses livres, Irasatul Lahfan, il dit que la musique, c'est le Coran du diable, hein? C'est le Coran du shaitan. Donc ceux qui détestent entendre le Coran et qui aiment entendre la musique, hein, eh bien c'est pour ça que tu vois que ces gens-là, ils vont toujours allumer la radio pour entendre des chants, pour entendre la musique. Et même quand il est sur le chemin, hein, s'il est dans sa voiture, il conduit, il entend le Coran, il éteint la radio. Et si c'est de la musique, il l'allume. Mais si c'est le Coran, il l'éteint. Parce qu'il ne ressent aucun plaisir à écouter le Coran. Et il ne l'aime pas. Donc il l'éteint. Parce que c'est l'eau pour lui. Hein? C'est l'eau pour lui. Il ne veut pas entendre la vérité. Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il dit, c'est parce qu'en même temps, on ne peut pas réunir dans le même cœur l'amour de la musique et l'amour du Coran. Ces deux choses-là dans le cœur du serviteur ne peuvent pas se réunir. Et c'est ça que l'imam Ibn al-Qayyim il explique dans son poème An-Nuniyya. Il dit que l'amour du Coran et l'amour des chants et de la musique ne peuvent pas se réunir dans un seul et même cœur. Parce que l'un va chasser l'autre. Hein? L'un va chasser l'autre. Et le cheikh, il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, « Laysa lahu fihi mahabbatun, wala dhawqun, wala ladhatun, inda wajdihi, ويحب سماع المكا والتصفية ويجد عنده مواجيدا. المواجيد والوجد هذا من اصطلاحات الصوفية. Donc le cheikh il explique que يعني les soufis et ces gens de bid'a qui يعني aiment entendre les chants et la musique et la danse, et quand ils entendent le Coran, ils n'ont aucun plaisir à écouter le Coran. Eux, qu'est-ce qu'ils aiment entendre, c'est les sifflements et les clapements de mains, taper des mains, siffler et faire de la musique, Allah Musta'an, c'est ça leur plaisir. Et c'est là qu'ils ressentent toutes les émotions et qu'ils font toutes qu'ils atteignent leur plaisir dans ces choses-là. Et le cheikh il dit ensuite, فَهَذِهِ أَحْوَالٌ شَيْطَانِيَّةٌ وَهُوَ مِمَّنْ يَتَنَاوَلُهُ قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني تركت العمل بها وقال ابن عباس رضي الله عنهما تكلف الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. Donc ici le cheikh il explique que il dit ces états sont des états diaboliques en réalité, qui sont causés par les chants et la musique et toutes ces danses qu'ils font. En réalité, ça vient du diable. Et c'est pour ça que yani le verset s'applique. Le verset de la parole d'Allah Azza wa Jal, il s'applique sur ces gens-là lorsqu'il dit dans le verset 36 dans Surat Az-Zukhruf, et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, Allah Azza wa Jal, on lui assigne un shaitan, un diable, qui devient pour lui son compagnon. Donc ces gens-là, ils ont donc comme compagnon un qarin, un shaitan parmi les qui devient son qarin, qui devient son compagnon inséparable. Il dit ensuite que le Coran c'est le rappel d'Allah, le rappel d'Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est le Coran, c'est son rappel. Et c'est à ça qu'il fait allusion dans le verset lorsqu'il dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, c'est-à-dire quiconque se détourne du Coran en réalité. Et il cite aussi les versets 124 à 126 dans Surat Taha, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie et quiconque se détourne de mon rappel, alors il aura une vie misérable. Et nous le ressusciterons au jour de la résurrection. Et il sera aveugle. Alors il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Et Allah, il répond, c'est ainsi que nos versets te sont venus et que tu les as oubliés. Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui nous t'oublions. C'est ainsi qu'aujourd'hui tu es oublié toi aussi. Et donc, le fait d'oublier, d'avoir oublié les versets, c'est-à-dire d'avoir délaissé ou d'avoir abandonné la pratique de ces versets-là. Et le cheikh, il explique ensuite, cheikh Al-Fawzan, ces points-là. Il dit, man taraka al-Qur'an ibtuliya bil-aghani wal-alhan yubtala bi sama' al-aghani wal-alhan ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا يعني يوم القيامة يقول للشيطان قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين يندم عندما يجد الجزاء يندم على ما سبق. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit quiconque a délaissé le Coran, eh bien il sera éprouvé par les chants et la musique. Et il va être éprouvé par l'écoute de la musique et des chants. Hein? Et il cite les versets dans Sourate Az-Zukhruf qu'on a mentionné tout à l'heure. Et il avait juste mentionné une partie des versets. Il n'avait pas continué plus loin que ça tout à l'heure. Tandis que maintenant, il mentionne la suite. Et quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Et les diables les détournent certes du droit chemin, tandis que ceux-ci estiment être bien guidés, ils pensent être bien guidés. Alors cet homme vient à nous au jour de la résurrection et il dira à son démon, à son shaitan, « Hélas, si seulement il y avait entre toi et moi la distance entre l'Est et l'Ouest. Hein, quel mauvais compagnon tu es. » Et donc, ce jour-là, il souhaiterait, quand il voit le châtiment, il regrette de s'être détourné du rappel d'Allah et d'avoir été assigné à ce compagnon, ce shaitan. Et donc, il souhaiterait qu'il y ait entre lui et le shaitan la distance de l'Est et de l'Ouest. Hein, entre l'Est et l'Ouest, Allah al-Musta'an. Donc il a des regrets à ce jour-là. Et le Cheikh il dit ensuite wa dhikru ar-Rahman huwa al-Qur'an. Wa man a'rada 'an dhikri alladhi huwa al-Qur'an, fal-Qur'an dhikr wa huwa adh-dhikr al-Hakim. Donc le Cheikh explique que le rappel du tout miséricordieux, c'est le Coran. Il dit, et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit, « Quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire le Coran. » Donc le Coran, c'est un rappel. Et c'est le rappel sage. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il l'a cité ici, comme c'est rapporté par Ibn Abi Shayba et At-Tabari. Il l'a cité disant, radiyallahu anhuma, que Allah Azza wa Jal, il se charge pour celui qui récite son livre et qui le met en application de ne pas le laisser s'égarer dans ce bas monde et de faire en sorte qu'il ne soit pas triste et malheureux dans l'au-delà. Ça, c'est par rapport à l'explication du verset par rapport à l'explication du verset 125 126 la yadillu wa la yashqa. Oui, parce que ça c'est la, en fait c'est pas par rapport à 126 127, c'est plutôt le verset 124 à 126 qu'on a lu tout à l'heure. On n'avait pas lu le verset 123, mais la parole d'Abdullah ibn Abbas, elle fait allusion au verset 123 qui est mentionné avant. Et ça, c'est dans Surat Taha. Donc, si vous allez dans Surat Taha, vous allez voir les versets 123, 124, 125 et 126. À la fin du verset 123, Allah Azza wa Jal, il dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. C'est-à-dire, celui qui suit ma guidance, il ne va pas s'égarer et il ne va pas être malheureux. Hein? Et la suite de ce verset, c'est وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, hein? Une vie misérable. Et au jour de la résurrection, il sera ramené aveugle au rassemblement. Il dira, « Oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant j'étais voyant ?» Hein? Et donc ici, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il fait allusion au verset 123. Lorsqu'il dit que ça veut dire que Allah azza wa jal se charge pour celui qui récite le livre et qui l'applique, de faire en sorte qu'il ne va pas s'égarer dans ce bas monde et qu'il ne soit pas malheureux dans l'au-delà. Tandis que celui qui se détourne du rappel d'Allah, eh bien, il aura la punition qui est mentionnée dans la suite du verset, des versets 124 à 126. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, هذا والله أعلم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وهذا عذاب القبر لأنه قد يكون في الدنيا منعما وليس في ضنك ولكن هذا في القبر والله أعلم أنه يكون في عذاب في القبر فجزاؤه من جنس العمل لما نسي لما نسي القرآن فإن الله نسيه يعني تركه يعني ما معنى نسيه أي ذهل عنه النسيان يطلق على الترك نسوا الله فنسيهم أي تركهم في العذاب لأن النسيان له معنيان له معان منها الترك وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا inatrukukum fil adab. Donc le cheikh il explique ici que ce verset ici, et quiconque s'est détourné de mon rappel, alors il aura une vie misérable, une vie de gêne. Et le cheikh il dit que ça c'est dans le châtiment de la tombe. Il dit Allahu a'lam, mais il dit ça se peut que ce soit dans le châtiment de la tombe. Allah sait mieux. Il dit parce qu'il est possible que cette personne ait des biens dans ce bas monde et qu'elle ne vive pas nécessairement une vie dans la pauvreté. Toutefois, c'est à propos du châtiment de la tombe. Wallahu a'lam. Et aussi, il y a une chose que le cheikh n'a pas mentionné ici, mais qui est possible également, c'est que des fois, des gens peuvent avoir des biens dans ce bas monde, mais ils n'en profitent pas pleinement. Et qu'il soit par exemple dans une vie misérable sur le plan intérieur, dans leur cœur et sur le plan spirituel, ils se sentent malheureux et vides à l'intérieur, malgré qu'ils ont même s'ils ont toutes les richesses du monde. Donc ça aussi c'est une possibilité. Et le cheikh il dit, donc sa rétribution à cette personne, elle sera correspondant à ce qu'il a fait comme action. Et puisqu'il a oublié le Coran et qu'il a délaissé le Coran, eh bien Allah Azza wa Jal, il le punit au jour de la résurrection en l'abandonnant et en l'oubliant. Et ici, c'est-à-dire qu'il va se détourner de lui et qu'il va le délaisser et l'abandonner. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit Nasullaha fanasiyahum. Le verset 67 dans Surat At-Tawbah. Il dit, ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Et c'est-à-dire qu'il les abandonne dans le châtiment, il les laisse dans le châtiment. Et pourquoi? Parce que l'oubli, il peut avoir plusieurs sens, et parmi ces sens, l'abandon et le délaissement. Et c'est comme lorsqu'il dit dans le verset 24 dans Surat Al-Jathiyah, وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. C'est-à-dire qu'il sera dit, aujourd'hui, nous vous oublions, comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Et donc,